Vous aimez faire la fête ? Alors rejoignez l'équipe de Boumbomo pour célébrer la 200e émission avec au programme les invités des 7 dernières saisons pour plus de 3 heures de mix et d'anecdotes autour des musiques françaises et francophones. Soyez au rendez-vous pour cette émission exceptionnelle sur Prune le mercredi 14 avril prochain à partir de 22h sur la RNT, le 92FM et le www.prune.net.